Donc, moi je m'appelle Frédéric Fartoit, j'ai 38 ans, ça fait à peu près 13 ans que je suis embauché au centre social Télensat d'Andail, qui se trouve au quartier des Joncos. Et je m'occupe spécifiquement, moi, du secteur jeune. Donc le secteur jeune, ça veut dire en fait la jeunesse andaillaise entre 9 et 18 ans. Historiquement, on a beaucoup travaillé sur le quartier des Joncos par rapport à son implantation, dû à un historique un petit peu difficile, un historique social, avec des problématiques de drogue aussi. Donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, le centre social s'était installé sur le quartier des Joncos. L'évolution de la ville étant l'agrandissement, la population qui devient de plus en plus importante, de plus en plus, pas différente, mais vaste, quoi. Il y a de plus en plus de populations très différentes sur Andaï. Les besoins ont été aussi sur le secteur jeune, sur le quartier d'Orio, un quartier qui est un petit peu isolé au niveau géographique d'Andaï. Dans lequel il n'y a pas de commerce, pas de structure associative. Par contre, on avait fait le diagnostic d'y trouver beaucoup, beaucoup de jeunes dans la tranche d'âge que nous, on travaillait. Donc, on a eu, par le biais de la mairie d'Andaï, la mise à disposition d'un local, en fait, sous forme d'un appartement, et dans lequel on a, depuis 4 ans, proposé l'accueil des jeunes du quartier d'Orio, plus spécifiquement, sachant qu'on est un petit peu limité au niveau de l'espace par le fait d'être dans un appartement. Actuellement, c'est vrai qu'entre 9 et 18 ans, on a une trentaine d'inscrits, sans compter des jeunes que nous avons déjà connus, qui sont majeurs, qu'on continue à suivre, à aider, parfois pour des recherches professionnelles, personnelles, etc. Alors en fait, c'est vrai que l'évolution s'est faite progressivement. Moi, j'ai pu la voir puisque depuis que j'étais embauché, ce poste-là spécifiquement s'est développé petit à petit. On a proposé pendant des années un centre de loisirs, ce qu'on peut appeler tout à fait traditionnel, dans lequel les parents inscrivent les enfants sur des activités spécifiques. Ils les inscrivent en général à la semaine. Nous, on propose un accueil qui se fait que l'après-midi. On n'a pas de moyen de faire des accueils avec de la restauration, etc. Et puis on voulait aussi proposer une ouverture différente de ce qui se fait Andaï. Il y a déjà des centres de loisirs de la ville, d'autres qui se font sur Andaï sous d'autres formules. Donc nous, on a voulu proposer cette formule de l'après-midi qui convient aussi à des familles. Et notre créneau, c'est de vraiment maintenir des prix accessibles pour tous. Que le prix ne soit pas une barrière d'accès pour les familles et les enfants notamment. Par contre, ce dont on s'est aperçu progressivement avec l'ouverture donc qui est arrivée sur Orio, c'est que cette formule peut convenir à une population et en fait l'évolution de la jeunesse en général fait que tous n'adhèrent pas à ce genre de fonctionnement dans lequel on est sur des horaires assez rigides, 14, 16, 18 heures, pardon, financièrement aussi, qui ont un coût, certes faible, mais un coût. Et donc, sur Orio, l'approche a été un petit peu différente. On propose donc, nous, un accueil fixe, ouvert sur les samedis et les vacances scolaires, et dans lequel, après inscription quand même par les parents, c'est une fiche de renseignement, et en fait l'idée qu'on puisse identifier les familles, les enfants, être couverts évidemment au niveau des éventuels risques. Nous, on propose une ouverture sur les samedis, tous les jours de vacances scolaires en fait, et en fait en dehors des sorties d'Andaï qui sont très ponctuelles et sur lesquelles on fait un papier spécifique avec les parents pour que vraiment on ait une autorisation de se déplacer, on essaye vraiment de créer de l'animation locale sur le quartier, sur l'environnement proche. On s'est aperçu que la plupart des jeunes d'Andaï connaissent très très peu leur environnement, connaissent très très peu les richesses vraiment d'Andaï et de l'environnement proche. Donc nous, on s'est vraiment attaché à leur faire découvrir des choses, disons, dans lesquels ils pourraient trouver un certain intérêt, et surtout les remettre en place avec leur famille, sans l'aide spécifiquement des animateurs ou du centre social. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup attaché à leur faire découvrir des endroits comme Abadia, les Trois Couronnes, tout plein de balades, tout plein de décors qui sont vraiment autour de nous, qui sont gratuits et dans lesquels on peut vraiment trouver chacun, alors pour les sportifs, une certaine émulation à aller un peu plus loin que les autres, mais pour d'autres, juste des endroits super agréables dans lesquels ils pourront se retrouver, pour d'autres, Abadia et la baie de Loya, comme tous les jolis endroits qu'on peut y trouver. On en a certains qui sont repartis avec les familles. En fait, notre idée, nous, c'est vraiment... contrairement au centre de loisirs, de proposer vraiment un panel très très large que les jeunes peuvent refaire d'eux-mêmes, refaire avec les familles et créer du lien. Alors dans les familles même, par ce biais-là, parce que parfois ça leur donne l'occasion eh bien, de se retrouver en famille autour d'une sortie, parfois aussi autour des voisins, des gens du quartier tout simplement, avec parfois une aide des parents qui nous accompagnent, qui encadrent avec nous pour des sorties. Et donc là, c'est vrai que c'est une autre approche pour les enfants, de voir les adultes dans ces conditions-là, et ils se voient sous un œil un petit peu différent dans le quartier après. Voilà, donc là, c'est vraiment axé sur de l'animation jeune. Maintenant, avec le temps et les 4-5 ans d'expérience qu'on a sur le quartier, c'est vrai qu'on essaye beaucoup plus de lier et d'associer en fait les adultes aussi à des animations qu'on peut proposer sur le quartier même. C'est-à-dire que du moment qu'on est à l'extérieur du local, il y a tout un fronton qui permet des espaces de jeu, des espaces de rencontre. Donc là, dès qu'on est en extérieur, on favorise toujours la discussion, le lien, la rencontre entre jeunes et moins jeunes. Donc on fait participer parfois des moins jeunes sur des initiations à des jeux ou des choses qu'ils connaissent peu. Ça permet toujours de revenir à de la création de liens, de la relation humaine, que les gens se côtoient et se voient un peu dans d'autres... comment dire... se voient différemment que dans la relation souvent problématique d'adolescents avec les adultes. En général, les rencontres entre ces deux générations sont sur des problématiques de bruit, sur des problématiques de quartier, pas souvent sur quelque chose en commun. Il y a l'idée d'améliorer, mais il y a l'idée aussi parfois tout simplement de la rencontre, et des fois pour certains c'est améliorer, je crois qu'on peut dire le mot comme ça, parce que je vous dis, on est arrivé nous avec un diagnostic qui était que les rencontres entre jeunes et moins jeunes étaient très difficiles au niveau de la communication tout simplement, parce que ça arrivait souvent sur des rencontres autour de problématiques avec des adolescents ou des jeunes avec qui il faudrait parfois arrondir les angles, et des adultes aussi ou des personnes plus âgées à qui aussi il faudrait faire un peu plus attention. Donc nous, c'est vrai qu'on est arrivé sur le quartier en sachant qu'il y avait quand même un vécu et des petites problématiques de communication, plus que de... On ne parle pas d'insécurité, on ne parle pas de violence, on ne parle pas de choses de cette ampleur-là, mais une communication, on va dire, difficile et parfois problématique. Donc nous, c'est vrai que l'axe principal et la cible, c'est les 9-18. Maintenant, quand on parle d'action auprès des adultes aussi, c'est vrai que petit à petit, on essaye d'organiser, comme on a pu faire cette année, on a eu l'idée de autour des discussions avec les adultes et les habitants, de réhabiliter un petit peu le fronton du quartier, qui est un lieu central de vie et de jeu pour vraiment tous les habitants, qui avait été avec le temps petit petit à petit dégradé. Donc après avoir un peu sollicité les habitants, l'idée est ressortie d'amener un peu de couleur et d'amener de la vie dans le quartier. Donc l'idée a été de faire un graffiti avec les autorisations bien sûr des HLM, avec une maquette qui a été présentée aux HLM, aux habitants, pour la plupart qui ont adhéré quand ils l'ont vu directement, pour certains qui ne l'avaient pas vu, ça s'est fait après, mais bon. Et donc autour de cette, c'était un week-end entier de graffiti en fait, autour de ça on a voulu aussi créer de la rencontre, donc les jeunes du local, eux, ont posé la logistique, c'est-à-dire les tables, ont posé de la musique, ont posé, ont été faire quelques courses avec nous et préparé en fait un petit verre de l'amitié. Donc c'est eux qui ont proposé et mis en place tout ça, et c'était ouvert vraiment et destiné à tous les habitants. Donc ça, c'est un exemple concret de ce qui peut être, de ce qui peut être mis en place, c'est-à-dire les jeunes qui créent un petit événement dans lequel tous les habitants du quartier puissent se retrouver. On a aussi, depuis 2-3 ans, un projet de prévention routière qu'on met en place sur les deux quartiers. Ça, c'est clair, c'est une évidence que nous, en tout cas, comme dans l'idée des sorties qu'on propose, on veut vraiment rendre tout le monde acteur. Donc dans l'idée de passer le relais pour les sorties, pour ce genre d'événements, on veut vraiment créer l'émulation. C'est-à-dire que dès qu'il y a une idée qui sort un petit peu comme ça, on essaie de la développer, on essaie de démystifier toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière. Et c'est vrai que ce n'était pas un réflexe pour des jeunes, notamment d'Orient, qui n'étaient pas habitués à avoir une structure, donc à mettre en place des projets de A à Z, parfois qui va de la recherche de financement jusqu'à la mise en place concrète du projet. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait progressivement, mais qui commence à prendre forme et qui nous semble évidemment primordial, puisque nous, on n'est là que très ponctuellement dans l'année, en fait. On est là le samedi, on est là les vacances scolaires, mais en fait, les habitants, ce sont eux. Les acteurs, quand nous, on n'est pas là, ce sont eux. Et en fait, on est juste un relais à un moment, ou un révélateur parfois d'idées, où on révèle parfois de la confiance ou de l'envie chez certains qui n'avaient pas vu eux-mêmes. C'est juste, on est juste un petit révélateur qui fait que si les personnes s'affirment ou prennent un peu confiance, elles mettent en place des projets. Et c'est ce qu'on leur prouve, que vraiment des projets qui peuvent être super intéressants. Et le dernier projet qui se profile et qui me paraît super intéressant, là ressort beaucoup plus d'un groupe d'adolescents qu'on suit spécifiquement sur le quartier des Joncos. C'est un groupe d'une dizaine de jeunes qu'on connaît depuis un petit moment, qui viennent, qui participent aussi, qui sont vraiment acteurs sur toutes les manifestations du centre social. Alors là, spécifiquement sur le quartier des Joncos, c'est des gamins qui sont venus en centre de loisirs, qui sont maintenant adolescents, donc qui se retrouvent moins dans le centre de loisirs, mais que moi je revois sur des mercredis après-midi, sur des samedis matins, et avec qui on réfléchit à comment eux, en l'occurrence, sont là, parce qu'ils ont envie de se créer un petit groupe d'ados, donc se retrouver autour de projets, autour parfois d'ordinateurs, mais l'idée c'est de se créer du loisir, notamment pour la période de juin, à laquelle ils sont tous en vacances. Donc avec eux, c'est vrai que toute l'année, sur les manifestations du centre, comme Halloween qu'on a pu faire, le Noël là, du centre social qui se profile, des manifestations organisées parfois par le secteur famille du centre social, donc beaucoup plus organisées par des majeurs, on va dire, eux à chaque fois sont liés au projet, veulent se lier au projet, font des ventes parfois de gâteaux, de boissons sans alcool, ont trouvé des cocktails à fabriquer et à vendre, essayent toujours d'être un peu dans la thématique, quand c'est Halloween ou quand c'est Noël, et en fait font des petites ventes comme ça avec lesquelles en fait ils se créent carrément des sorties. Donc là on enlève la charge financière des parents, c'est les gamins qui sont pas autonomes mais qui sont en phase de le devenir et avec qui on monte des petits projets tout simples mais qui leur montrent à eux aussi qu'on peut vraiment se financer du loisir par le biais de petites actions toutes bêtes et le fait de les répéter comme ça dans le temps fait qu'en fait, on réussit. L'an dernier, on a réussi à partir 3 jours autour d'Arcachon. Ça a été la dune du Pilat, un peu à Aqualand. Enfin, des loisirs qu'eux s'étaient choisis, mais qu'ils ont vraiment pu monter du financement même à la réservation de l'hôtel. Mais à la réservation du camping et voilà, qui ont choisi la destination. Et donc ceux-là vont spécifiquement venir sur maintenant. Ça, c'est des projets qu'on peut appeler des projets jeunes, qui consistent à se financer du loisir et à s'impliquer un peu avec des adultes, là aussi, puisque c'est des manifestations proposées par des adultes en général, dans lesquelles ils se greffent et dans lesquelles ils viennent autant pour décorer que pour la logistique et finalement vendre un peu leurs boissons. Mais là, spécifiquement, on les a affiliés, enfin, ils ont voulu être affiliés à un projet qui sera le 3 décembre, en fait, au HAL. Olencelo est un rocker. En fait, c'est une association de musique andalaise, IPK, qui met en place un projet solidaire qui se fera donc le 3 décembre, en amont de Noël, puisque l'idée, c'est en fait de faire une après-midi famille et une soirée concert, pour laquelle les gens donneront un cadeau comme droit d'entrée. En fait, l'idée, c'est de récupérer un maximum de cadeaux pour ensuite en faire profiter les gens les plus en difficulté ou les plus dans le besoin, notamment sur Andaï. Alors par le biais du centre social, qui a un public qui vient et qui est parfois en difficulté économique, par le biais même des ventes qu'on fait à prix réduit, qui donnent accès un peu à tout le monde, accès à des cadeaux, c'est que ces projets dans lesquels ils se sont investis de plus en plus pour se financer leurs loisirs découlent sur un investissement sans attendre aucun retour. C'est vraiment nous aussi une certaine satisfaction, puisque c'est d'eux-mêmes qui se proposent pour faire une animation au cours de cet après-midi au Lencelo et un rocker, sans aucun retour attendu, quoi. Donc, petit à petit, on essaye, Orio, on peut dire qu'on est aux prémices un petit peu de la construction de ces projets. C'est les jeunes qui, petit à petit, commencent à comprendre l'intérêt de s'investir un petit peu, de se découvrir un petit peu ou de s'affirmer un petit peu pour en trouver aussi un certain retour. Sur les joncos, on est déjà un petit peu plus avancé avec le groupe sur lequel on travaille, donc on est déjà sur un petit peu autre chose, et aussi s'investir au sens large, quoi. C'est-à-dire sans attendre toujours une rétribution, une contribution, ce qui est une règle un peu dans la société dans laquelle on vit, et nous aussi, eh bien, on veut aussi développer l'envie d'aider les autres par choix, par conviction, quoi. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense and war, but perfect sense. Tout à fait. C'est la vraie. Alors là, on part sur une spécificité qui est vraiment andaïaise. Nous, avec le temps, c'est vrai qu'on rencontre aussi d'autres éducateurs de Bayonne, de Saint-Jean-de-Luz, d'un petit peu plus loin aussi. Et on s'aperçoit vraiment, et on travaille beaucoup sur la spécificité andaïaise, ce dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'on a une mixité culturelle très importante. Avec évidemment la culture basque prédominante, quoi. On a aussi des Espagnols parfois pure souche qui viennent par rapport à l'idée de l'emploi qu'il a pu y avoir en Pays Basque. On a aussi des Français de partout qui viennent finalement s'installer sur Andaï par rapport à un idéal de vie, la côte qui est agréable ou quoi. On s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup beaucoup maintenant aussi d'immigration d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Nous, étant situés au quartier des Joncos, qui est vraiment frontalier, on voit vraiment que ça influe aussi sur le public qu'on peut avoir, et donc aussi sur le travail qu'on peut mener aussi dans le fait de rencontrer les autres, de casser quelques barrières des fois, de créer de la rencontre au-delà de la langue, sachant que on a des gens qui ont parfois des difficultés d'intégration au niveau de la langue, au niveau du français. Il y a très peu d'aides qui sont faites sur la ville d'Andaï. Spécifiquement, nous, on propose des cours de français. On commence vraiment à trouver nos limites. Je crois qu'on a 70 personnes qui viennent très régulièrement et donc qui montrent une réelle démarche et une réelle envie d'apprentissage. Voilà, sachant qu'on a nos limites, on a d'énormes difficultés de répondre aux demandes. Nous, on le fait, moi spécifiquement sur le secteur jeune, je travaille beaucoup aussi sur les difficultés scolaires des enfants d'origine différente, comme celle-là, avec qui il y a d'énormes difficultés de langue, par ce biais-là, d'énormes difficultés scolaires. Et c'est vrai qu'on essaye de réduire un peu les difficultés des enfants avant qu'ils arrivent sur le collège ou sur le lycée, parce que pour eux, vraiment, c'est un handicap. Ensuite, la compréhension, évidemment que c'est un handicap au niveau scolaire. Et depuis quelques années, on travaille donc beaucoup sur cette problématique de langue, sur le fait d'aider à apprendre, évidemment, la langue pour eux-mêmes, pour aussi communiquer avec les autres habitants. Donc on fait remonter ça un petit peu, nous, au niveau de la région. La région l'a fait un petit peu remonter, je crois, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, comme quoi cette spécificité andaïaise est vraiment à relever et à prendre en compte. Ce n'est pas des difficultés. Moi, je crois qu'au contraire, c'est une énorme richesse. Ce sur quoi on bataille, nous, ce sont des moyens à mettre en place. C'est juste ça. Parce qu'après, vraiment, c'est... Nous, on s'en sert tous les jours, quoi. Et on s'en sert tous les jours pour... Dans la démarche qu'on a pu mettre en place, que j'expliquais tout à l'heure, de la rencontre, du lien humain, et évidemment de découvrir les autres, donc découvrir les autres cultures, ça nous semble évidemment une richesse à prendre en compte et à mettre en avant. C'est-à-dire que pour les enfants, c'est quelque chose d'assez facile, parce qu'il n'y a pas trop de barrières. Même s'il y a quelques barrières au niveau linguistique, ils passent vraiment facilement au-dessus pour communiquer. Alors nous, on a des supports comme le jeu, on a des supports comme l'informatique, on a des supports en plus qui facilitent le fait de ne pas avoir de barrières linguistiques. Par contre, pour les adultes, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a peu de moyens qui leur permettent vraiment de communiquer et de se rencontrer autour d'événements vraiment ouverts à tous de façon, pas spécifique à la culture, quoi. C'est vrai que nous, par contre, au centre social, on a du public très très différent de toutes les cultures. Nous, on s'aperçoit que c'est une richesse énorme, que ça met une vie, nous, incroyable, quand on voit les cours de français qu'on peut avoir, qui sont parfois dans d'autres endroits, je crois, beaucoup plus scolaires, et à la fin desquels, quand c'est 17h, tout le monde s'en va. Nous, le fait d'avoir cette richesse et cette culture multiple fait qu'il y a une vie, des rencontres, les gens communiquent, font vraiment, en plus, beaucoup plus d'efforts en ayant cette petite barrière et en se rencontrant sur des moments comme ça, un peu festifs, font beaucoup plus d'efforts pour se rencontrer, quoi. Donc, nous, franchement, c'est une petite difficulté à un moment, parce qu'on voit que pour certains, notamment les enfants, ça peut être quand même un handicap de mal maîtriser la langue, parce que ça le pénalise ensuite au niveau scolaire et donc évidemment un petit peu au niveau de son avenir. Donc on fait vraiment attention à réduire ce risque-là, quoi. Par contre, la spécificité andaïaise, il est évident que c'est une richesse et qu'il faut s'en servir, quoi. Ça, c'est évident. Ouais. He estudiado mucho para conseguir ganar una beca y ahora estoy aquí. Toco lo que quiero y lo toco bien. Solo dime cuándo, cómo y sobre todo a quién. Yo soy Armónica Levinsky. Soy Armónica Levinsky. Yo soy Armónica Levinsky. Los labios más ardientes del blues.